Faustine chez les Belges. Suite. 1969. Faustine aborde sa 13e année. Bien à l'abri dans son cocon familial qui ne s'ouvre sur le monde qu'une heure ou deux le samedi après-midi, elle ignore tout des révoltes de l'an passé. On ne lui a rien expliqué au sujet des grèves estudiantines, des CRS-SS, de l'amour libre, de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les Russes et des élevages de moutons en Ardèche. Il faut signaler que les enfants déjeunent à la cantine tous les midis et dînent avant les adultes le soir. Ils ont rarement accès aux conversations des grandes personnes. Les fins de semaine, par contre, Faustine explore avec ses parents des tas d'endroits intéressants. Il parcourt la plupart des grandes villes belges, Namur, Anvers, Charleroi, Gand, Liège, Louvain, Ostende et Bruges. C'est Bruges que l'adolescente préfère, avec tous ses canaux. Il faisait beau ce jour-là. La petite famille s'est offert la virée en bateau. Ils sont passés sous des vieux ponts moussus, balayés par des branches de saule. À Charleroi, Faustine a été impressionnée par les terrils, les histoires effrayantes qu'on colporte sur les mineurs, et surtout leurs enfants qui, plus jeunes qu'elle, poussaient des chariots remplis de charbon dans des tunnels à peine plus grands qu'eux. On lui a expliqué les coups de grisou, les explosions, les canaris dans les cages dont l'agitation ou la mort signalait les gaz toxiques. Elle a vu les ascenseurs d'autrefois, elle les a imaginés descendre dans les profondeurs de la terre. Au retour, la Peugeot familiale est passée entre deux rangées de maisonnettes, toutes semblables, collées les unes aux autres avec leurs briques rouges et leurs rideaux plus blancs que blancs. Comment s'y retrouvent les habitants dans ce labyrinthe? Plus tard, dans Germinal d'Émile Zola, elle lira les grèves, les injustices, les accidents, mais aussi la solidarité, l'amitié, le courage, le sacrifice. Plus près de chez elle, elle n'ignore plus rien, ou presque, de la vie de Napoléon et de sa terrible défaite. Waterloo, Waterloo, morne plaine. Elle est déjà montée à 3 reprises. Chaque fois que de la famille vient en visite, sur le mémorial du lion de Waterloo, et on a gravi les 226 marches presque en courant. Depuis là-haut, on entend très distinctement la bande sonore du film qui est projeté au musée. Feu, feu, feu! Les canons qui tonnent, les tambours qui résonnent, les coups de fusil, les hurlements! Et on peut sortir un gros mot, comme le général Cambronne, sans répercussion. De son côté, papa aime bien raconter la célèbre anecdote sur Napoléon, qui arrive dans une auberge après la bataille et annonce « Nous sommes vaincus !»« Désolé, répond l'aubergiste, je n'ai que 19 chaises. » Cette année encore, il faut profiter du moindre jour de beau temps. Alors, papa et maman leur font la surprise, ponctuellement, de les réveiller très tôt le matin et, nonobstant l'école, on file à Ostende. 2 heures plus tard, on se retrouve au bord de la mer. Faustine adore ça. Giflée par le vent et le sable, le groupe admire les chars à voile et aussi les cerfs-volants. Ils s'essayent à la construction de châteaux de sable sophistiqués, ensuite de quoi Faustine et Stéphane osent tremper un pied dans l'eau, mais comme on est trop tôt dans la saison, elle est glaciale. Ils retirent le peloton, vite fait. Raison de plus, décrètent les parents pour aller se réchauffer avec des moules, des frites et des gaufres. Au printemps suivant, la famille visite l'incontournable Atomium, symbole de Bruxelles, construit 11 ans plus tôt à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. Faustine adore écouter papa leur préciser fièrement que l'ascenseur central est le plus rapide du monde, 5 mètres par seconde, et qu'il a été construit par une société suisse, Schlieren, plus tard Schindler. Papa ne leur parle pas souvent, mais ses explications sont toujours très vivantes. Il leur révèle que l'atomium symbolise une particule de cristal élémentaire de fer agrandie 150 milliards de fois. Il ajoute qu'en 1950, longtemps avant la naissance de Faustine et Stéphane, le monde entier était obnubilé par l'atome, puisqu'on savait déjà que les réserves de charbon et de pétrole se tariraient inévitablement. Surtout, c'était un symbole de modernité. On ne parlait plus que de ça. Tout était atomique, y compris les aspirateurs. Papa ne raconte pas la guerre froide, on est en plein dedans, ni Hiroshima ou Nagasaki. Ils apprendront tout ça à l'école bien assez tôt. Dans le fond, ce qui l'intéresse le plus à l'atomium, c'est le parc de jeux qui est juste à côté. Il y a une tyrolienne et toutes sortes de constructions sur lesquelles grimper et se défouler, ce qui fait du bien après avoir assimilé les leçons de l'histoire. Pendant les vacances de Pâques, Tata Daisy, une amie que les parents ont connue à Genève, vient passer quelques semaines à Oin. Entre deux promenades, elle enseigne à maman son métier actuel, qui consiste à décorer de jolies vanneries de housses de tissu de toutes les couleurs. Ainsi réalise-t-elle des bannetons, des paniers à pommes de terre en robe des champs, des travailleuses en châtaignier, des corbeilles de naissance. Papa apprend également à confectionner les patrons de base, et maman s'installe à la machine à coudre. Elle est douée, elle apprend vite. Le couple se dit que puisque c'est une affaire qui marche bien en Suisse, peut-être pourrait-il essayer de l'implanter en Belgique. Et pourquoi pas un jour se mettre à leur compte. De fait, les premiers prototypes déposés dans quelques boutiques des environs remportent un certain succès. Tata Daisy rentre en Suisse. L'année scolaire se termine bientôt. Faustine fait ses adieux aux sœurs, au frère Antoine et à la chèvre. À l'automne, elle ira au lycée de Waterloo. Elle sera en 6e. Les choses sérieuses vont commencer. Mais avant cela, elle retournera en vacances en Suisse allemande, dans la famille du jeune homme actuellement en stage auprès de ses parents. Il a une sœur de son âge. Faustine pressent un bel été.